Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau podcast consacré cette fois-ci au jardin. Et au lieu de parler de plantation et de potager, cette fois-ci nous allons nous intéresser à la pelouse. Nous recevons comme d'habitude notre experte jardin Marianne. Bonjour Marianne. Qui va nous expliquer pourquoi le gazon jaunit et comment faire pour retrouver une pelouse bien verte. C'est à toi Marianne. Oui, comment récupérer son gazon lorsqu'il a jauni soit totalement, soit par endroits. Dans un premier temps, trouver l'origine du jaunissement. Sécheresse aggravée l'été, manque ou arrêt d'arrosage lors de vos vacances, mauvais apport nutritif, parasites, mousse ou tonte mal réalisée. Aussi tout d'abord, débutez par une reprise d'arrosage, plutôt sous forme de pluie, avec des va-et-vient en douceur pour votre gazon et à exécuter surtout en soirée, afin d'éviter une évaporation trop importante. Votre pelouse devrait déjà se reverdir. Lors de vos tontes, retirez tous les déchets d'herbes coupées, accumulées, afin de ne pas étouffer votre gazon. Scarifiez pour justement l'aérer au maximum, retirez la mousse et surtout évitez de ne pas couper trop court pour que l'herbe conserve son humidité le plus longtemps possible. Ceci évitera également une mauvaise régénération. Veillez aussi à vérifier l'affûtage de votre lame afin de ne pas endommager votre gazon. Des remèdes différents existent, comme pulvériser un mélange de bicarbonate de soude, environ 2 à 3 cuillères à soupe pour 4 litres d'eau, à raison de 4 fois par semaine sur les zones les plus jaunies, jusqu'à récupération complète, d'une couleur enfin redevenue verte. Surveillez la présence éventuelle de parasites, comme des champignons ou des larves de ver, pouvant être à l'origine de plaques jaunies, et la pulvérisation de bicarbonate de soude les fera justement disparaître. Procédez également à des emports d'engrais azotés environ 2 fois par an pour fertiliser la profondeur et donc nourrir la structure racinaire de votre pelouse. Par contre, si vous avez un chien, n'oubliez pas de l'habituer à uriner en dehors de votre pelouse ou bien à un endroit bien précis, car l'urine animale brûle l'herbe de par sa concentration en ammoniac. Petite astuce, répandez soit directement, soit par pulvérisation de la bière. Car malt ou houblon, comme toute levure, de par la fermentation de ces sucres, sera dopante pour faire barrage d'une part à toutes sortes de champignons et surtout reverdira rapidement votre pelouse. Aussi, pas de panique, car dès le retour des pluies, votre gazon retrouvera sa belle couleur verte luxuriante. Et adieu le jaune paille. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Marianne. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt !